Il m'a été nécessaire de méditer un tout petit peu en écoutant cette belle musique de Haydn pour pouvoir me recueillir avant d'aborder cette thématique touchant le rapport entre la langue, les lettres, les signes et l'énergie. La question du rapport entre la langue, les lettres, les signes et l'énergie est d'une importance si fondamentale que nous allons très souvent y revenir parce que dans la réponse à cette question, ou bien dans les investigations que nous allons mener sur cette thématique, se trouvent plusieurs secrets qui peuvent aider les Africains à se développer spirituellement, à se libérer spirituellement et à progresser réellement. Mais il faut aller là où tout a commencé. J'aime toujours dire qu'il faut aller là où tout a commencé. Tout commence en Égypte pharaonique. Je dis bien, tout commence en Égypte pharaonique. Cette Égypte pharaonique est habitée par des populations noires. Nous sommes en Égypte pharaonique plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Ouais, mes chers frères et sœurs, tout commence en Égypte pharaonique. Parce que cette terre, mère patrie des arcanes spirito-culturels du monde noir, est bel et bien la nôtre. Tout commence là, en Égypte pharaonique. Et comme je l'ai dit, et comme je le dirai encore, toutes les informations que je vais donner ici seront sourcées. Sourcées. Nous allons donner des preuves authentiques, rigoureuses, critiques, qui étaient, qui appuient. Qui, en tout cas, justifie ce que je dis ici. Tout commence en Égypte pharaonique. Vous savez, chers amis, en matière de connaissances, il faut toujours employer une expression que j'aime bien employer. Celle-ci, à l'état actuel, des informations que nous avons, à l'état actuel des choses, à l'état actuel des connaissances que nous disposons, nous savons clairement, scientifiquement, que la grande tradition initiatique universelle débute en Égypte pharaonique et cette Égypte est noire. Elle est complètement noire. à l'état actuel des connaissances scientifiques que nous avons, basées sur l'archéologie, basées sur l'histoire, parce que l'histoire est notre fond culturel commun, cette histoire que personne ne peut falsifier, même si nous savons qu'il y a eu des savants qui ont voulu falsifier l'histoire spirituelle, scientifique, culturelle de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Et à l'état actuel de nos connaissances, personne ne peut nous démontrer avec des arguments scientifiques avérés qu'avant l'Égypte pharaonique, il y a un autre milieu qui soulève les premières questions touchant le monde initiatique, touchant la spiritualité, touchant le monothéisme. Touchant le monothéisme. Le monothéisme lui-même ne débute pas avec ni le christianisme, ni l'islam, ni le judaïsme. Le monothéisme débute en Égypte pharaonique, là où la langue, les lettres, les signes sont étudiés en rapport avec l'énergie. Et je m'en vais le démontrer.